sont vénères comme un rouge coffre dans une cause à Nostra. Ici les gosses et les darons craquent. La vérité elle est dans la salade. Tu me raconteras des salades. Je suis déterminé au mic, ça fait pop pop pop. Moi je fais tard, peu mal, ne me demande pas pourquoi et d'où. Sors mes phrases, débute comme un phaser. Je te mets un coup de taser. Dans le rap j'ai mon odeur. J'ai pété le vocodeur. T'es pas content, ben nique ta mère. Je me fous de ce que les gens disent. Moi je veux pas être légendaire. En plus les gens d'aujourd'hui c'est des putains de commères. Je veux pas voir le magistrat, non pour moi le commissaire. Je suis tranquille chez moi, pas de coup de gueule ni de coup de blues. Si tu rap de Harvey, j'lâche des micros. Donne-moi un million et je te fais des trucs de fou. Je régale la maman et je fais mon putain de studio. Je fais monter des photos, j'ai un grand cœur donc je veux riquer gros. Mais la vérité, des fois, ça porte des faux. Y'en a qui te mettent micro, y'en a trop qui font les fous. Moi je voudrais les refroidir. J'ai toujours des fois et esquivé les gens. Ne me mets pas les menottes, wesh mon pote à ma daronne. Ne coule-t-elle pas assez de larmes pour ça. Dans le bureau, ils souhaitaient tous comme mes 18 puis je mange la gamelle. Si je finis sur mon bête, c'est pas tard dans pas longtemps. Me pétrant pour des graves de la mêle. Celui qui me souhaite la mort et de la pire espèce. C'est du fric en espèce, espèce de bâtard. M'en fous des blogs et des MySpace. Moi je suis mon buzz, là où ça se passe. Internet n'est qu'une impasse. On est entre bien et mal. Entre halal et haram, l'État jette les dés. Et c'est les minorités qui se mettent à reculer. Une putain de partie de Monopoly. Ils nous prennent pour quoi? Ils nous prennent pour des débiles. Le Maghreb, ça la France, pour nous ça reste indélébile. Mais ici, on oublie trop trop vite. La vérité blesse et rend triste. Le succès, l'argent, faut qu'on oublie trop vite. Et qu'on s'appelle trop vite. Comme les filles d'aujourd'hui qui se désapprouvent trop vite. Et les petits de maintenant qui sont dans le haram trop vite. Dans ma tête, ça cogite. Je me dis que beaucoup de gens et beaucoup de choses partent trop vite. C'est juste ma vision des choses. Qu'en ce moment, je te dicte. Une pensée à Bader, enfermé à la Valentine. À ceux qui purgent des peines et ceux qui sont partis trop vite.